La web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo vous invite dans la discothèque du compositeur Bruno Mantovani. Eh bien bonjour et bienvenue dans cette discothèque idéale qui est aujourd'hui non pas juste, j'allais dire, un portrait de ce que je préfère dans la vie, mais presque un parcours initiatique. En effet, quand on vous demande de choisir des extraits les plus importants que ce que vous emporteriez sur une île déserte, mais là, il faut quasiment une valise pour amener tous les enregistrements que j'ai choisis. Vous demandez en quelle méthodologie vous allez choisir ces œuvres. Et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je présente ces pièces chronologiquement. Non, pas dans la chronologie, nous commençons par la musique ancienne et nous finissons par la musique contemporaine. Bien pire que ça, dans la chronologie de l'arrivée de ces différentes musiques dans ma propre vie d'auditeur. Parce que vous pouvez imaginer cela, avant d'être musicien, j'étais auditeur de musique. Alors, je ne sais pas si c'était avant, si c'était après ou si c'était pendant, mais j'ai toujours aimé acheter des disques, les ouvrir. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de très sensuel. C'est un peu comme quand on aiguise un crayon avant de composer. Ouvrir un disque est quelque chose qui est plein de promesses. Et donc, j'ai commencé à ouvrir des disques très jeune, même si, je dois avouer, le premier extrait de musique qui a été peut-être déterminant dans mon histoire de musicien, ce n'était pas dans un disque que je l'ai découvert, mais à la télévision. Vous savez, à une époque où à la télévision, on passait de la musique classique. Il y avait Le Grand Échiquier, cette émission qui était devenue mythique, qu'on a essayé maintenant de faire revivre, mais qui était à l'époque diffusée à une heure de large écoute. Et un jour, dans ce Grand Échiquier, j'ai découvert un chef d'orchestre à la crinière blanche, d'une élégance absolue, d'un geste précis, et qui, me semblait-il, avait à la fois une forme de noblesse et d'engagement permanent, qui était quelqu'un qu'on va retrouver à de nombreuses reprises aujourd'hui, Herbert von Karajan. Et puis, il y avait un disque qui traînait à la maison d'un certain Beethoven, d'une certaine 5e symphonie. Alors, bien sûr, ce n'est pas un choix très, très original, mais c'est le stimulus de ma carrière de musicien, de ma carrière d'auditeur. Donc voilà, j'avais envie d'écouter avec vous le premier mouvement de la 5e symphonie de Beethoven par Herbert von Karajan, un enregistrement qu'il a réalisé en 1963. Thank you. Le deuxième héros musical de mon enfance est un héros national, mais je dirais même régional. Pourquoi ? Parce que c'est un compositeur qui est né à Pamiers, dans l'Ariège, la ville où est née ma maman. Et à Pamiers, il y a une célébrité qui s'appelle Gabriel Fauré. Alors Gabriel Fauré, c'était sûrement un des plus grands compositeurs de la musique française. Quelqu'un qu'on a un petit peu trop accusé d'être un compositeur salonard, qui plaisait aux bourgeois de l'époque, alors que c'est à mon avis un des plus grands novateurs qui soit, notamment parce que c'est quelqu'un qui arrive à nous créer, j'allais dire, un sens de la continuité, à nous faire voyager avec quelques notes. Outre le fait qu'il était un compositeur que j'admirais beaucoup, il a été le directeur du Conservatoire de Paris bien avant moi, et puis il était aussi membre de l'Institut, ce qui m'est arrivé aussi l'an dernier. Donc, sans évidemment me comparer à ce monstre de l'histoire de la musique, j'allais dire qu'il y a comme une espèce de proximité ou quelque chose assez tendre. Il se trouve que j'ai découvert la musique de Fauré assez jeune, et notamment le célébrissime Requiem. Alors, pardon de manquer d'originalité, j'aurais pu prendre des mélodies ou des quintettes avec piano, ou le quatuor avec piano, le premier quatuor qui est un chef-d'œuvre absolu, ou la deuxième sonate de violoncelle, enfin il y a tellement d'œuvres que j'aime chez Fauré. Mais le Requiem était sûrement une des choses qui m'a le plus marqué, c'est la première partition d'orchestre que j'ai achetée aussi. Et je crois qu'à une époque, je devais écouter le Requiem de Fauré tous les jours, absolument quotidiennement, avec la partition. Donc ça a été une œuvre très formatrice, ça ne s'entend pas forcément dans ma musique aujourd'hui. Et j'avais un disque qui était un disque absolument mythique, dirigé par André Cuitens, avec les concerts de l'orchestre, donc des concerts du Conservatoire, qui était l'ancêtre de l'Orchestre de Paris, et avec Dietrich Fischer-Dieskau, qui va nous chanter le Liberame. Un autre grand choc de mon enfance fut la rencontre avec Edgar Varèse. Il faut dire que j'étais percussionniste, que comme beaucoup d'enfants qui voulaient taper sur des tambours, je pensais faire de la batterie et devenir le batteur de Michael Jackson ou de Prince ou je ne sais qui. Mais la rencontre avec la musique contemporaine m'a fait changer évidemment complètement d'idée sur ces instruments, sur cette famille d'instruments même. Et quand j'étais très petit, j'ai eu le grand plaisir de jouer Ionisation, qui est une pièce pour 13 percussions, qui est la première musique, j'allais dire, quasiment bruitiste, et qui est une œuvre qui m'a marqué définitivement par son équilibre entre le rythme et le temps plus lisse, et par le fait qu'il y a une espèce d'abolition des hauteurs qui était quelque chose de très frappant. L'énergie de Varèse est quelque chose qui a été très marquant aussi dans ma musique purement, j'allais dire, acoustique, pour orchestre et pour musique de chambre. Cette façon de renouveler l'écoute complètement, de créer du bruit avec des instruments, était, quelque chose qui m'obsède encore aujourd'hui. Il y a aussi dans cette musique une grande liberté. Quand on essaie de savoir pourquoi Varèse termine une œuvre, il n'y suit pas un schéma, il ne suit pas, une espèce de parcours préétabli. Au contraire, il se laisse guider par la matière. Et cette liberté a aussi été très riche d'enseignement. Alors j'avais envie qu'on écoute ces quelques minutes de Ionisation, qui est une pièce à la fois très courte, mais à la fois très radicale. On va l'écouter par quelqu'un dont on parlera plus tard, qui est évidemment quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup influencé, beaucoup appris, qui est Pierre Boulez, avec ses camarades, qui sont devenus après mes camarades, de l'ensemble intercontemporain. Le compositeur Bruno Mantovani présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Je parlais tout à l'heure du fait qu'à une époque, la télévision diffusait la musique classique. Il y a eu aussi une chose qui était très marquante dans mon parcours. C'était la création d'une chaîne de télévision qui s'appelait La 7 et qui émettait sur le réseau de ce qu'on appelait FR3 à l'époque, le samedi après-midi. Et La 7 était un peu l'ancêtre d'Arte. C'était une chaîne culturelle qui diffusait en plein après-midi du samedi des masterclass. Alors, il y a André Boukouretchev qui parlait de musique, Pierre Boulez qui parlait de musique. Et puis, il y avait régulièrement l'apparition d'un certain Scott Ross qui a été un des grand maître qui m'a le plus influencé, même si je n'ai jamais eu, hélas, le plaisir de le rencontrer. Scott Ross a disparu quand j'étais encore assez petit, donc j'avais aucune raison de le connaître. Mais je me souviens de Masterclass qui donnait à la Villa Médicis, qui avait été tournée et diffusée par La 7, où d'abord, il demandait à les élèves dans quelle langue dois-je vous parler, puisqu'il parlait à peu près toutes les langues qui existaient. Il donnait tous les exemples, évidemment, par cœur, lui qui avait enregistré toutes les sonates de Scarlatti, notamment. Et un des grands chocs pour moi de cette préadolescence, j'allais dire, c'était la découverte de la musique de Rameau par Scott Ross, et notamment de cette pièce avec ses deux doubles qui est Les Nids de Sologne, qui est une pièce totalement exaltante. Moi, je me souviens très bien de réactions quasiment physiques quand j'écoutais ça en étant petit, de joie totale, d'abandon et d'énergie. Et finalement, même si j'ai quasiment jamais écrit pour clavecin, enfin très très peu, et si c'est un instrument qui peut-être me convient pas à moi en tant que compositeur, parce que on n'écrit pas pour des dynamiques, par exemple, au clavecin, on a des registres, mais pas des dynamiques, et c'est une chose qui est limitative par rapport à mon langage. Le répertoire de clavecin, lui, est absolument capital encore aujourd'hui dans mon être d'auditeur. Et voilà, j'avais envie de vous faire partager ces Nids de Sologne de Scott Ross, et j'espère qu'ils vous provoqueront chez vous, chers auditeurs, les mêmes réactions de joie et d'exaltation que celles qui sont toujours les miennes quelques années après avoir découvert cette musique. Depuis le début de cette discothèque idéale, on a écouté pas mal de musique française. Je ne sais pas si Varèse est totalement français, mais en tout cas, c'était quand même un bourguignon d'origine. Fauré, Rameau. Mais mon oreille d'enfant était beaucoup plus formée à la musique allemande, au Beethoven qu'on a écouté tout à l'heure, et puis à deux compositeurs qu'on écoutera plus tard, à savoir Haydn et Mozart. Et puis aussi à Brahms, à d'autres compositeurs comme ça. Le premier, j'allais dire, grand choc de la musique française pour moi est arrivé un peu plus tard, je devais avoir 10-12 ans, Et c'était le prélude à l'après-midi d'un faune. Alors je vous rassure, hein, c'était quand même dirigé par un Allemand, puisque c'était encore le retour de Karajan, enfin qui était autrichien plus qu'allemand, mais en tout cas avec une phalange allemande, qui était l'Orchestre Philharmonique de Berlin. D'abord, il y a eu la découverte de cette musique elle-même, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une perfection absolue dans la plus grande liberté, avec des couleurs absolument exceptionnelles. Et puis quelque chose qui m'a toujours marqué beaucoup dans cet enregistrement, qu'on va écouter à peu près au bout d'une minute, qui est une sonorité, la fin de la mélodie du faune par la flûte, qui se transforme en un hautbois, comme, vous savez, comme les morphings chez Michael Jackson dans le clip Black or White, où à la fin les visages se transforment sans qu'on comprenne vraiment comment cela se passe. Et en fait, Debussy avait inventé le morphing sonore bien avant que Michael Jackson invente le morphing visuel. Et en dehors de la fascination pour cette petite, artifice d'écriture, il y avait quelque chose qui me marquait profondément là-dedans. C'était juste tout simplement le fait d'assumer la beauté, d'assumer l'hédonisme. L'hédonisme, ça a été peut-être une chose qui m'a, animé depuis toujours, depuis que j'ai commencé à faire de la musique, et qui continue d'ailleurs à m'animer, parce que je pense que s'il n'y a pas ce premier degré du plaisir, c'est peut-être pas la peine de continuer à faire ce métier. Mais là, on est en plein hédonisme et en pleine science en même temps. Et ça a été vraiment une bascule pour moi que de découvrir ce prélude de l'après-midi d'un faune dirigé par Herbert von Karajan. Quand on est un jeune musicien, et notamment un jeune pianiste, on est tout de suite confronté à l'écriture de Jean-Sébastien Bach, qui est un de ces rares compositeurs à pouvoir écrire sa propre musique avec son propre intérêt, même quand il s'adresse à un public techniquement jeune, puisque même les toutes petites pièces de Bach, les petites inventions, les petits préludes, sont déjà de grands chefs-d'œuvre. Et un des grands chocs de mon enfance a été la découverte de peut-être la grande œuvre de Bach, même s'il y a au moins 17 heures de musique d'orgue de Bach, qui est la grande passacaille pour orgue en ut mineur, dans un enregistrement qui est toujours, j'allais dire, mon enregistrement favori, celui d'André Izoard. D'abord parce que c'est arrivé, cette découverte, je connaissais évidemment très bien la musique de Bach, mais à un moment où je me posais moi-même des questions sur savoir si j'avais envie d'être compositeur, et sur le fait de se poser des questions sur l'acte de composer. Il y a quelque chose dans la passacaille qui est rassurant, la récurrence de ce thème qui est en boucle et le fait de greffer un discours par-dessus, c'est peut-être, j'allais dire, presque une pédagogie de l'écriture. Mais chez Bach, on est loin de l'œuvre pédagogique, on est vraiment dans quelque chose, là, en l'occurrence, qui est, j'allais dire, presque une exploration de l'orgue, une exploration de l'harmonie, une exploration de l'énergie. Et donc voilà, c'est une œuvre qui est aussi un highlight, comme on dit, un best-of, comme on dit en anglais, mais qui est pour moi fondatrice de cet équilibre que je recherchais entre quelque chose qui relève de la structure et quelque chose qui relève du sensible. Thank you. Vous êtes dans la discothèque du compositeur Bruno Mantovani sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. L'adolescence, c'est aussi le temps de l'exaltation, de l'énergie. On a besoin de gros sons, on a plus envie de grand orchestre que de musique de chambre. Et évidemment, quand on parle de grand orchestre, on se tourne rapidement vers Mahler. Mais Mahler de la première symphonie, c'est un Mahler jeune, et donc un Mahler peut-être qui parle plus facilement aux jeunes, aux gamins de 13 ans que j'étais à l'époque. J'ai eu la chance totalement fortuite de trouver dans un magasin en Espagne un compact disque en promotion à l'époque de la première symphonie de Mahler par Bruno Walter. J'étais loin de savoir que Bruno Walter avait été un élève de Mahler, qu'il avait travaillé les partitions avec Mahler, et de toucher d'aussi près ce que devait être l'authenticité de l'interprétation mahlérienne. Ce qui fait que cette version que j'ai achetée complètement par hasard est devenue ma version de référence pendant très longtemps. Elle est encore parmi d'autres maintenant, bien sûr. Ce que j'ai aimé dans cette musique, c'était évidemment ce côté extrêmement passionnel, passionné, mais je n'ai jamais été un grand romantique. Je veux dire par là que l'excès de bons sentiments tuait un petit peu le sentiment chez moi, peut-être une forme de pudeur de ma part. Or, je trouve que chez Mahler, même quand on est dans l'expression la plus totale, on n'est pas dans le larmoiement, et on n'est pas dans, je vais dire, quelque chose qui relève toujours du bon sentiment. Et cette première symphonie est une symphonie assez littéraire, assez narrative, et là aussi, il y avait quelque chose qui m'intéressait, c'était de savoir si la narration avait besoin de mots ou pas. Et je crois que là, on a un modèle d'un compositeur qui raconte une histoire sans avoir besoin des mots. Thank you. La musique n'a pas toujours besoin de mots pour être expressive, mais il arrive qu'il y ait des mots et qu'elle le soit encore plus. Et on ne pouvait pas ne pas écouter un petit peu d'opéra dans ce portrait d'une adolescence musicale. Et j'ai choisi d'écouter quelqu'un que les compositeurs contemporains n'affectionnent pas forcément, qui est Puccini, et notamment Manon Lescaut, qui n'est pas non plus un opéra qui est très apprécié par la modernité. D'abord, il y a dans cet enregistrement qu'on a écouté, où Placido Domingo chante Des Grieux, et avec l'orchestre Philharmonia dirigé par le merveilleux Sinopoli, Giuseppe Sinopoli, quelque chose qui est forcément séduisant, parce que le son est magnifique, parce que la diction est absolument sublime, et parce que, évidemment, on a une interprétation de référence. Mais, en dehors de cela, je pense qu'il y a une grande science musicale chez Puccini, une science qu'on oublie de temps en temps. C'est un immense mélodiste. C'est un grand harmonisateur. C'était quelqu'un qui avait un sens aigu de ce qu'était l'orchestre, aussi du rapport entre la scène et la fosse. C'est très facile de dire « Oh, Puccini, c'est larmoyant, c'est tellement expressif, trop expressif. » Eh bien, j'encourage tous ceux qui ont ce genre de réaction à essayer d'écrire 2 minutes de faux Puccini dans leur chambre le soir et d'arriver à faire aussi bien dans l'équilibre entre la voix et l'orchestre et, j'allais dire, entre les couleurs de l'orchestre et la narration. C'était là un authentique dramaturge et je crois que, voilà, il s'agit d'un air qui m'a énormément marqué quand j'étais petit, donc le premier air de Des Grieux dans Manon Lescaut de Puccini. Sans transition aucune, on va passer de Puccini à Pierre Boulez. Alors, je suis sûr que Pierre Boulez aurait détesté la proximité avec Puccini, mais ce n'est pas lui faire offense que de dire que là, on a deux des grands génies du XXe siècle, du premier XXe siècle et du second XXe siècle. C'est très compliqué pour moi de choisir une œuvre de Pierre Boulez parce que d'abord, j'aime toute sa production, j'en ai dirigé une partie, et puis le personnage Pierre Boulez était quelqu'un d'extrêmement important pour moi. De très charmant, de très drôle, évidemment, avec brillamment intelligent, et puis à la fois immense chef, immense compositeur, et c'est forcément avec beaucoup d'émotion que je parle toujours de lui et de sa personne, de tournées partagées, d'intimité, de restaurants, d'échanges, et de la gentillesse de cet homme, qui était vraiment extrêmement attentionné et extrêmement doux, contrairement à l'image qu'il pouvait avoir d'un type assez dur, cassant et un peu cynique, ce qui n'était absolument pas. Alors, je ne savais pas très bien quoi choisir dans la production de Boulez, le marteau 100 mètres sur un 6. J'ai choisi de prendre Répond, et d'écouter le début de la section où les instruments qui sont perchés au-dessus de l'orchestre commencent à jouer avec des transformations électroniques. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent accusé Poulez d'être un compositeur un petit peu, j'allais dire, austère, dans une musique très intellectuelle. Or, pour tout auditeur qui découvre Répond, l'arrivée de ces instruments au moment où on s'y attend le moins est un choc émotionnel très fort. Boulez a beaucoup dirigé cette pièce, je l'ai souvent entendu par lui et par d'autres, et j'avais envie qu'on écoute la version qu'il dirige lui-même avec, évidemment, l'ensemble intercontemporain. Autre héros pour moi de la même génération, Luciano Berio, avec une pièce qui est peut-être pas la plus connue parce qu'on joue souvent les sequenze qui sont, j'allais dire, faciles à jouer, non pas techniquement, mais qui sont consacrées à un instrument, mais une pièce pour un orchestre un peu spécial qui s'appelle Formazioni. Un peu spécial parce que la disposition de l'orchestre sur scène ne correspond pas à la disposition habituelle. Il n'y a pas les cordes devant, mais en partie derrière, en partie sur le côté. Les bois, les cuivres sont en premier plan. Mais en dehors de cet espace acoustique, comme dirait Griset, qui était un petit peu chahuté, il y a là une œuvre qui s'impose par une forme d'évidence. C'est une pièce qui reprend un principe d'écriture assez cher à Berio, savoir des notes polaires, des notes très identifiables, qui sont des espèces de pivots et de repères. Et cette pièce, pour moi, est devenue, dès la création, un grand classique. C'est une espèce de dixième symphonie de Beethoven, pour moi, mais écrite par un compositeur du XXe siècle. Alors on va l'écouter dans une version que j'aime énormément, qui est la version du Concertgebouw d'Amsterdam, dirigée par quelqu'un avec qui j'ai eu le grand honneur de travailler par la suite, qui est Ricardo Chailly. À l'époque, donc, il était chef de cet orchestre à Amsterdam, il a été nommé très très jeune, avant de devenir après le chef d'orchestre Duc de Gewandhau de Leipzig, puis maintenant de la Scala. Et Chailly est un chef qui a toujours été remarquable par sa polyvalence, enregistrant des intégrales Beethoven et Brahms et en faisant des créations de compositeurs dont j'ai eu l'honneur de faire partie. C'est devenu un ami proche et quelqu'un qui a été aussi un grand repère pour moi en tant que pour son exigence d'interprète et pour sa compréhension de tous les répertoires. Donc voilà, je voudrais qu'on écoute un extrait de Formazioni de Berio. Le compositeur Bruno Mantovani présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. Thank you. Thank you. Pour l'instant, c'est une musique très acoustique, tout ça, en dehors des répliques informatiques de Réponde Boulez. Pourtant, mon oreille a été très formée par la musique électroacoustique. J'ai assez peu pratiqué le studio dans ma vie, mais au début de mes études à Perpignan avec Christophe Modeau, j'ai beaucoup écouté et pratiqué la musique sur bande, à l'époque où on avait encore des magnétos et des grosses bandes qui tournaient dessus. Et il y avait quelqu'un qui était venu faire une masterclass quand j'avais 15-16 ans à Perpignan, qui s'appelle Christian Zanesi et qui a été un des compositeurs qui m'a le plus marqué. Et notamment une pièce de l'époque qui s'appelle Stop l'horizon, qui est en fait une trame, qui est la trame d'un métro qui a été enregistré et qui a été accéléré et étiré sur une longue durée, ce qui fait qu'on entend ces effets Doppler, cette espèce de relance permanente, comme quand on entend une voiture ou une ambulance qui passe. Et il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué là-dedans, c'était la propreté du son, la beauté du son, le côté extrêmement chatoyant, extrêmement défini. Et même si je n'ai pas beaucoup écrit de musique électronique, ma formation d'oreille venant beaucoup de la musique électroacoustique, je peux dire qu'une partie de ma production instrumentale a été marquée par des pièces comme celle-ci, comme aussi par d'autres qu'on écoutera un peu plus tard peut-être. J'étais donc percussionniste quand j'étais petit, j'avais eu le plaisir de jouer ionisation, mais évidemment je suis allé voir des répertoires un petit peu plus récents. Et un des grands chefs-d'œuvre de la percussion est Psapha, la pièce de Yanis Xenakis, pour percussion seule, avec un instrumentarium qui n'est pas vraiment défini. Il y a même d'ailleurs des versions avec électronique ou d'autres qui sont concentrées sur une seule famille d'instruments. C'est une pièce qui est assez extraordinaire dans la mesure où l'écriture est très simple. Il s'agit de comme d'un papier quadrillé avec des points par-dessus, chaque point correspondant à une note. Mais c'est une espèce d'accélération continue et qui est complètement dans la logique aussi de ce que j'aurais aimé pratiquer si j'avais été batteur quelque part, à savoir cette espèce d'énergie primaire qui est faite sur les instruments à peau. Il y a un percussionniste nordique qui s'appelle Gert Morgensen qui a enregistré ça, et c'est la version que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Thank you. Vous êtes dans la discothèque du compositeur Bruno Mantovani sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. C'était un chaos très organisé dans Psapha de Xenakis, mais nous allons passer à un autre chaos très organisé, mais historiquement bien antérieur, à savoir le début de la création de Haydn, cet oratorio absolument exceptionnel que l'orchestre du Conservatoire de Paris a donné il y a peu de temps à Notre-Dame de Paris, sous la direction de David Ryland, et qui est une pièce qui, alors, mon adolescence tardive, je dirais, c'est le début de l'âge adulte pour moi, m'a beaucoup marqué parce qu'il s'agissait pour moi d'une espèce de fils spirituel de Bach, mais avec l'humour et le côté pied de nez que j'aime tellement chez Haydn. Haydn a été un des compositeurs qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus intéressé, et ce chaos qui, au début, est un morceau assez monumental, c'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le prélude après-midi d'un faune de Debussy. Il y a un moment, un frottement entre le hautbois et les cordes, quelque chose qui pourrait être presque de l'ordre de la fausse note, et après tout le chaos c'est de la fausse note, qui est une des trouvailles les plus exceptionnelles, je trouve, de la fin de l'ère classique. Et voilà pourquoi j'avais envie d'écouter le chaos, donc ce début de la création de Haydn. Il était temps pour moi de quitter Perpignan et de monter à la capitale, comme on dit. Et quand j'ai voulu entrer au Conservatoire de Paris, il s'est posé la question de passer des concours. Et parmi les concours que j'ai passés, il y avait la composition, où tout s'est bien passé, l'analyse, où tout s'est bien passé. Mais il y a eu aussi l'histoire de la musique, et j'ai dû me reprendre par deux fois. Et une des raisons pour lesquelles je ne suis pas rentré en classe d'histoire de la musique la première fois, c'est qu'on m'a présenté une pièce d'un compositeur qui me semblait très énigmatique. Et cette pièce était le Hoquet David de Guillaume de Machaut. Alors j'ai séché à l'époque, puis après je me suis renseigné pour savoir qui était ce garçon et cette musique. Et là aussi, il y a eu quelque chose qui m'a absolument bouleversé, qui était la combinaison entre une écriture extrêmement stricte et puis toute cette contemplation qu'il pouvait y avoir et tout ce déferlement émotionnel qu'il y avait derrière. Le hoquet, ce sont des voix qui se répondent, qui, se parlent un peu, se chantent en ping-pong. Et bien dans ce hoquet, David, il y a une texture qui est en permanence très aérée, par le seul fait que les voix ne chantent pas tout le temps, mais on est dans quelque chose qui est à la fois très aéré, mais très dense et très harmonieux. Ce n'était pas une musique harmonique, on n'écrivait pas des harmonies à l'époque, on écrivait plutôt du contrepoint. Mais voilà, j'étais très très frappé de faire cette musique que l'on va écouter maintenant par le Early Music Consort de Londres. Après avoir reconnu le Hoquet David dans un concours d'entrée, après un premier échec, je suis devenu élève au Conservatoire de Paris Et est venu le temps pour moi de faire des stages, de rencontrer d'autres compositeurs. Et un des compositeurs qui m'intéressait le plus à l'époque était Michael Jarel. J'ai eu le bonheur de travailler avec lui à Royaumont dans la session de composition. Et ce que j'ai aimé dans cette musique, c'était là encore son talent expressif, son côté extrêmement hédoniste. À l'époque de Royaumont, Jarel venait d'avoir une création qui s'appelait Music for a While et qui est une réinterprétation dans son début en tout cas, de Music for a While de Purcell. Ça a été aussi un signal pour moi que la musique du passé pouvait être nourrissante pour la musique d'aujourd'hui. Et j'ai moi-même travaillé énormément avec des modèles chez Gesualdo, chez Schumann, chez Schubert, et chez Pierre Delarue, chez bien d'autres compositeurs. J'avais envie qu'on écoute cette pièce dont vous allez voir le début est une espèce de glas, presque une musique presque funéraire, mais qui m'a toujours vraiment marqué par cette espèce, allez, osons le mot, de beauté. C'est le Klangforum de Vienne qui va interpréter Music for a While sous la direction d'Emilio Pomarico.

Très étrangement, dans ma première jeunesse, il y avait quelques grands compositeurs qui ne faisaient pas du tout partie de mon panthéon. Autant j'aimais beaucoup Brahms, qui après n'a pas eu les mêmes faveurs de ma part, et qui est un compositeur qui, j'ose le dire, m'ennuie profondément. Autant quelques compositeurs comme Mozart et Schumann ont trouvé grâce à mes yeux, à un âge presque avancé, d'une vingtaine d'années. On va commencer par le premier que j'ai cité, à savoir Schumann. On va commencer par le deuxième que je viens de citer, à savoir Schumann. La découverte de cette musique, pas la découverte, la compréhension relative de cette musique, a été, j'allais dire, déterminée par mes études d'esthétique au Conservatoire de Paris, dans la classe de Rémy Stricker, qui a été pour moi une espèce de second prof de composition, même s'il n'abordait jamais la musique de notre temps, mais s'il travaillait, même si, parce qu'il travaillait beaucoup sur les musiques des 18e et 19e siècles. J'allais dire que je me suis presque réveillé un jour en aimant Schumann, et on parlera de Mozart tout à l'heure, c'était un petit peu la même chose. Après les avoir copieusement détestés, j'avais l'image de Schumann, des papillons, de quelque chose un peu de très élégant comme ça, mais un peu pudique. Et puis un jour, je me suis rendu compte que je me trompais complètement et qu'il s'agissait là d'un des plus grands dramaturges de l'histoire de la musique, y compris d'ailleurs quand il écrivait à l'opéra, parce que j'ai la faiblesse d'aimer Genoveva, l'opéra de Schumann. J'avais envie qu'on écoute le premier mouvement de la troisième symphonie, la Rhénane, qui est une œuvre que j'ai énormément dirigée par la suite et qui trouve dans Leonard Bernstein, l'Orchestre de New York, deux interprètes qui sont absolument fabuleux, d'énergie, d'intelligence, de continuité du phrasé. Je ne sais pas si on peut parler d'authenticité parce qu'aujourd'hui c'est une notion qui semble totalement balisée par les gens historiquement informés, mais j'allais dire une chose, je me fous d'authenticité. Ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, et là elle y est. Thank you. L'autre compositeur mal aimé de mon adolescence était le cher Mozart. Pourquoi mal aimé ? Parce que jusqu'à l'âge de 20 ans, je trouvais qu'il s'agissait là d'un compositeur de formule. J'en avais un petit peu marre d'entendre tigadigadigadigadigadogadom à la fin de toutes les cadences. Je me disais, mais enfin, il n'y a rien qui ressemble plus à une œuvre de Mozart qu'une autre œuvre de Mozart. Et puis là encore, un beau matin, en me réveillant, je me suis dit, mais je crois que tu te trompes complètement, mon pauvre. Mozart, c'est absolument pas ce que tu en as compris. Mozart, c'est tout le contraire. C'est l'originalité permanente, c'est une énergie permanente et c'est un sens de la psychologie permanente. Là encore aussi, l'enseignement de Rémy Stricker n'était sûrement pas étranger. Et je me suis rendu compte que Mozart était un fieffé filou. Il nous donnait toujours l'impression de nous placer en terre connue, alors qu'il nous faisait un certain nombre de surprises. C'était sûrement un des plus grands stratèges de l'histoire de la musique. Mais il m'a fallu quelques années pour comprendre que c'était le cas. Je crois que finalement, il faut être très mûr et très vieux pour comprendre la musique de Mozart. J'avais envie qu'on écoute l'ouverture de Così fan tutte, toujours par Herbert von Karajan dans sa jeunesse. Karajan a gravé 3 opéras de Mozart à l'époque pour EMI, Les Noces de Figaro, Così et La Flûte Enchantée, qui sont pour moi les 3 versions de référence. Et dans ce Così, en tout cas dans l'ouverture, puisqu'on ne va même pas écouter les voix qui sont juste divines du début à la fin, ce qui m'a complètement marqué, c'était cet enchaînement de couleurs. Il y a cette mélodie qui passe d'un instrument à l'autre et c'est fait avec un goût et un raffinement. C'est de la dentelle mozartienne que l'on va écouter maintenant. Le compositeur Bruno Mantovani présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. autre sujet très stricterien qui a été fondamental pour moi, ça a été le travail entre la différence, évidente pour nous, mais pas forcément pour les compositeurs qui sont en train de composer, entre la poésie et le théâtre, c'est-à-dire entre le lead et l'opéra. Et Rémy Stricker, vous avez écouté pas mal la musique de deux compositeurs qui avaient, j'allais dire, réussi de façon à peu près équivalente dans les deux domaines. Ces deux compositeurs sont Marschner et Spohr. Chez Spohr, il y a un langage qui est très adapté au texte qu'il met en musique. On peut reprocher à Schumann de ne pas être un grand compositeur d'opéra, ou à Schubert aussi, ça demanderait d'être tempéré, hein. Et puis à Beethoven de ne pas être le plus grand compositeur de lieder qui soit. Et bien là, on a des compositeurs qui sont, j'allais dire, dans une forme d'équilibre. On va écouter le deuxième des six lieder allemands opus 25 de Spohr, par Dietrich Fischer-Dieskau et au piano Hartmut Hoehl. Müsste ich dir was sagen, als wollte dir mein Herz was klagen, mein tiefster Sinn bewegt sich, mit jeder Regung lieb ich dich, mit jeder Regung. Als müsst ich zu dir eilen, als Pilger dir zu Füßen weilen, von meiner Sehnsucht heilen mich, und ach nur sehen und lieben dich, und ach nur sehen und lieben. Mein Herz will bei dir Ruhe haben, mein Auge sich an dir nur laden, und Herz und Auge gießen sich mit vielen Tränen. Il y a un grand absent dans cette grande liste de compositeurs, c'est Maurice Ravel, et Dieu sait que Maurice Ravel est un des compositeurs les plus importants pour moi. Maurice Ravel avait cette capacité à puiser son inspiration à peu près partout, dans la musique espagnole, le jazz, la musique juive, la musique grecque, et d'en faire du Maurice Ravel. Eh bien, il y a un autre compositeur comme ça, qui est un grand colonisateur, qui est Igor Stravinsky. Qu'il soit néoclassique, qu'il soit sériel, qu'il écrive un ballet, tout sonne toujours comme du Stravinsky. Alors j'ai choisi de partir de la source, à savoir du Scherzo fantastique, une des œuvres quasiment de jeunesse, parce que c'est une œuvre qui est particulièrement forte, particulièrement séduisante, avec une luxuriance de l'orchestration qui est absolument remarquable. Et puis je me suis dit que ça serait bien de l'écouter par Stravinsky lui-même, comme quoi il arrive aux compositeurs de ne pas trop mal diriger leurs propres œuvres. Thank you. J'ai déjà pas mal parlé de Pierre Boulez et de ce côté figure extrêmement importante et d'influence pour moi. Mais j'allais dire que peut-être la personne qui a été la plus marquante dans mon parcours de musicien a été un autre compositeur, lui-même proche de Boulez d'ailleurs, à savoir Peter Udvösch. Peter Udvösch est un compositeur de génie, j'ose le dire, un immense chef d'orchestre et quelqu'un qui aime transmettre et qui est extrêmement généreux avec les jeunes musiciens. Je l'ai rencontré quand j'avais 22 ans. Il m'a pris sous son aile, il m'a invité à vivre en Allemagne pour me sortir un petit peu de mon conservatoire parisien préféré, pour que j'aille voir un petit peu ailleurs ce qui se faisait. Il a été toujours extrêmement charmant, extrêmement doux avec moi. Je suis très heureux qu'on fasse, juste la veille de la création du ballet à Monte-Carlo, une création ensemble à la Cité de la Musique à Paris. C'est presque une obligation, j'allais dire, qu'il y ait quelques rendez-vous réguliers avec Udvösch. Là encore, choisir une pièce dans son catalogue est assez compliqué, tellement cette personnalité musicale a produit des grands chefs-d'œuvre. J'ai décidé d'écouter avec vous le premier mouvement d'une pièce très touchante qui s'appelle Shadows. Le compositeur Bruno Mantovani présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Une autre pièce de la modernité du XXe siècle qui a été capitale pour moi, c'est les cinq pièces opus 16 d'Arnold Schoenberg, qui sont ce Schoenberg pré-sériel, qui n'est pas encore affranchi de l'harmonie, j'allais dire, post-tonale, mais qui sont frappantes, notamment la troisième, Farben, par leur inventivité sonore. J'ai eu le plaisir de diriger ces pièces après, soit dans la petite version qu'on joue assez peu, soit dans la version originale, la grande version. Et c'est une espèce, j'allais dire, un peu comme chez Stravinsky, de leçon perpétuelle de composition et d'orchestration. J'aime ces pièces aussi parce que leur propos extrêmement condensé, leur durée très courte, fait qu'on a à la fois le choc de la découverte et un brin de frustration de ce temps si court. Et je préfère avoir un sentiment de frustration que d'avoir un sentiment de trop-plein. C'est toujours Pierre Boulez qui dirige, cette fois-ci, le London Symphony Orchestra. L'abolition de la tonalité chez Schoenberg avait connu des prémices chez Richard Wagner. Pourtant, ce n'est pas le Wagner tardif que l'on va écouter, notamment celui de Tristan, mais le Wagner de Lohengrin. Il faut dire que là encore, j'ai eu une espèce de parcours conflictuel avec ce compositeur. Wagner n'était pas un compositeur naturel pour moi. Ces grands mythes allemands remis au goût du jour de l'époque, avec quelques idéologies pas forcément très ouvertes sur la modernité, m'ont un petit peu découragé. Et en même temps, la musique, elle, est d'une modernité absolue, et ce côté novateur est tellement surprenant, étaient des choses qui me séduisaient énormément. De ce fait, Lohengrin, opéra, je veux dire, parmi les premiers opéras de Wagner, est peut-être l'ouvrage que je préfère chez ce compositeur, plus encore que la tétralogie ou plus encore que Parsifal, alors qu'un vrai wagnérien vous dirait le contraire. Il y a ce côté premier degré que j'adore dans Lohengrin. Il y a une évidence, on a tout de suite une séduction, une accroche. Et j'ai choisi d'écouter l'ouverture de Lohengrin, qui est ce moment très contemplatif, très planant, dirigé par Peter Schneider avec l'orchestre du Festival de Bayreuth. Thank you. Je parlais tout à l'heure de Jean-Sébastien Bach, qui est un compositeur qui écrit aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il y a un autre cas dans l'histoire de la musique qui m'a semblé extrêmement important et qui a fait partie de mon éducation, c'est Béla Bartók. Bartók a écrit ses petits recueils Microcosmos que tout enfant pianiste joue, mais il a écrit aussi des œuvres extrêmement complexes, d'une grande virtuosité, mais surtout d'un intérêt absolu. Là encore, pour faire le choix, c'est assez compliqué, entre les quatuors, entre les ballets, entre les concertos qui sont incroyables, la sonate pour deux pianos, deux percussions, enfin non. Au milieu de tout ça, il y a une œuvre pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse, c'est Le Prince de Bois. Le Prince de Bois, c'est un ballet dont Bartók a tiré une suite, qui est une histoire assez amusante d'un prince donc, qui est en fait un pantin et qu'une sorcière manipule pour faire croire à une princesse que c'est son amoureux. Or, le vrai amoureux, lui, il est loin, il est en prison. Mais évidemment, tout ça finit très bien. Le prince de bois se sent coupable et laisse le vrai prince se rejoindre la princesse. Tout va très bien à la fin. Mais c'est aussi l'occasion pour Bartók de peindre sonorement des portraits de paysages notamment. Il y a un moment où il peint une forêt, d'autres fois où il peint un ruisseau, et j'aime énormément cette œuvre que j'ai beaucoup dirigée, et j'ai décidé qu'on allait l'écouter sous ma direction avec l'Orchestre National de France. Thank you. le compositeur Bruno Mantovani présente sa discothèque à la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Quand j'ai composé une pièce qui s'appelait Streets pour l'ensemble intercontemporain à l'attention de Pierre Boulez, Boulez avait organisé une tournée de plusieurs concerts donc, où il dirigeait cette pièce, et puis la nouvelle version d'une pièce que j'adore chez lui qui est Dérive 2. Ce que j'aime dans Dérive 2, c'est que c'est une pièce qui repose sur l'énergie et sur le mouvement, qui est une pièce extrêmement virtuose. Et j'ai eu le plaisir d'assister à la création de cette dernière version qui existe en disque sous la baguette de Daniel Kafka, mais qui, sous la direction de Boulez, existe dans une version antérieure. On sait que Boulez écrivait des œuvres même de jeunesse, qu'il reprenait beaucoup plus tard dans sa vie. Il aimait de revenir sur des pièces avec un regard, j'allais dire, qui avait progressé, en tout cas qui avait évolué. Et même si là on va écouter la version qui n'est pas la version définitive, dirigée par Pierre Boulez à la tête de l'ensemble intercontemporain, je voulais juste qu'on se laisse baigner dans cette espèce de flux qui vous prend et qui vous emporte. C'est une espèce de tornade musicale et qui en plus, comme je le disais, est très liée à des souvenirs personnels, des souvenirs de tournée, des souvenirs, j'allais dire, très fraternels que j'ai pu, qui me nourrissent encore quand je pense à cette grande figure de Pierre Boulez. Thank you. Une des œuvres que j'ai le plus aimé diriger dans mon début de carrière a été le Kammerkonzert d'Alban Berg, cette pièce si étrange pour violon, piano, qui sont solistes, et pour un ensemble de vent. Le premier mouvement étant dédié au piano, le deuxième au violon, et le final unissant les deux instruments après une cadence. C'est une pièce d'une grande science, extrêmement complexe, analytiquement très forte, et en même temps qui a aussi ce premier degré, ce côté très accessible. J'aime énormément aussi cette énergie, ce savoir-faire, cette intelligence de l'orchestration et cette intelligence du drame. On voit que Berg était un grand compositeur d'opéra quand on écoute le Kammerkonzert. J'avais envie de conclure cette émission non pas en choisissant un compositeur, mais plutôt en choisissant un interprète et ami. Cet interprète et ami, c'est Jean-Efflain Bavouzé, un des pianistes les plus spectaculaires qui soit, au répertoire très large, qui est un staccanoviste de l'enregistrement et des concerts et de l'élargissement du répertoire, qui donne aussi beaucoup dans la musique contemporaine, tout en enregistrant une intégrale Haydn en parallèle. Et je ne pouvais pas vous présenter cette discothèque idéale, qui est aussi une forme d'autoportrait, sans faire allusion à ce grand camarade qui a joué la même musique, avec lequel on a partagé énormément de choses. Jean-Efflain a gravé une intégrale de Bussy, qui est une référence. J'avais envie que l'on écoute la première étude. On aurait pu, dans cette espèce d'autoportrait, écouter aussi tout un tas de musiques qui m'ont intéressé, influencé ou que je consomme, musique de variété, musique de jazz. J'ai voulu m'en tenir à une espèce de parcours initiatique dans le domaine de la musique classique ou de la musique savante occidentale. Et donc j'ai exclu des personnes aussi importantes pour moi que Stevie Wonder, Miles Davis, John Coltrane ou le groupe Toto, qui auraient pu faire tout à fait bonne figure dans ma liste parce que j'aime leur musique. Mais je pense qu'à un moment aussi, il fallait que je limite ça, cet exercice-là, à, j'allais dire, ce qui m'a le plus apporté en tant que compositeur. Ce qui m'a apporté, c'est la musique des autres, mais c'est aussi des interprètes qui, à un moment, m'ont donné envie d'écrire, et Jean-Efflain Bavouzé en fait partie. Voilà pourquoi je voulais finir cette émission avec lui.